Et aujourd'hui, on travaille sous la pluie, on travaille au tabac. Les Charbonniers de l'Enfer avec la pièce « Au Marie », c'est une reprise de Daniel Lannoy. Nous sommes lundi, il est 17h12, c'est le moment d'accueillir Raymond Poirier. Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous parles d'un rapport du CEFRIO qui, quand même, fait toujours des rapports intéressants sur cet univers de l'information, de l'informatique, du réseautage, etc. Oui, et là, c'est un rapport qui est arrivé fin mai, donc je le prends au bon, si on peut dire. Un rapport quand même assez intéressant, puisque la période scolaire tire à sa fin, évidemment. On continue de se préparer aux années qui viennent et j'ai l'impression, en fait, pour quelqu'un qui travaille pas dans le milieu de l'éducation mais qui gravite un peu sur les médias sociaux avec beaucoup de gens en éducation, mais ça reste un débat à savoir de quelle manière on peut intégrer les technologies, quelle mesure le numérique devrait, si on peut dire, influencer ou modifier la pratique d'enseignement. Et donc, eux, on décide de faire une espèce d'état des lieux, donc en trois temps, si on peut dire, donc différents types d'analyses, une revue de littérature sur laquelle on reviendra aussi tout à l'heure. Mais premier volet, qui était aussi celui de prendre le pouls, si on peut dire, du milieu de l'éducation. Et donc, ils ont écrit aux presque 1000 directeurs, directrices d'école de la province, ou du moins à presque 1000. Et il y en a à peu près 225 là, qui ont répondu au sondage. Ce qui est quand même pas si mal. Ça permet d'avoir un petit état des lieux. Et essentiellement, ce qui en ressort, c'est que de ceux qui ont répondu, il y en a 40% qui fournissent des appareils aux élèves. Donc, l'utilisation plus ou moins intensive du numérique qui apparaîtrait très tôt dans l'apprentissage. Il y en a 2 écoles primaires sur 3 qui ont répondu qu'ils font dès le préscolaire. Il y en a la moitié qui disent qu'il y a des initiatives, à tout le moins, dans leurs écoles. Donc, il y a un désir, si on peut dire, d'intégrer ça. Évidemment, l'autre point qu'on leur a demandé, c'est est-ce que vos enseignants sont capables aussi de les intégrer? Est-ce qu'il y a des formations aux enseignants? Et là-dessus, les directeurs d'école estiment qu'il y a déjà plusieurs ressources qui sont accessibles, qui sont disponibles aux enseignants, des formations, des séminaires, du coaching, etc., etc. Donc, de manière générale, on a l'impression qu'on est sur la bonne voie, si on peut dire, mais on a aussi l'impression que c'est une voie qui demeure un peu timide, si on peut dire, encore une fois, quand on regarde un peu là, cette réponse-là. C'est une. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur cette timidité? Est-ce qu'elle vient du fait qu'il y a un décalage entre le corps enseignant et justement toute l'informatique à quel, où on est rendu dans l'évolution, ou c'est un décalage parce qu'il manque de financement? Ça vient d'où, en fait? Ben, en fait, Michael, c'est dans la revue de littérature qu'on apprend cette réponse-là, est assez éclairante d'ailleurs. Revue de littérature faite à l'Université Laval par l'équipe de Thérèse Laferrière, une chercheure spécialisée en éducation. Et essentiellement, donc, ce qu'elle note, c'est que d'un côté, il y a de plus en plus de pression sociale pour intégrer les technologies dans le contexte scolaire. Donc, les parents, les étudiants veulent utiliser des appareils. C'est peut-être le système scolaire qui, on parlait de timidité tout à l'heure, mais qui, justement, lui met le pied sur le frein. Pourquoi on met un peu le pied sur le frein? C'est question peut-être de motivation pour l'instant qui ressort. Donc, oui, il y a beaucoup d'études qui ont montré l'impact positif du numérique sur la motivation des élèves, mais est-ce que c'est un témoignage suffisant pour se lancer à pieds joints là-dedans? Est-ce que c'est aussi durable? Est-ce qu'on est face à un effet de mode ou est-ce qu'on est face à un effet social durable? Est-ce que la seule volonté aussi d'améliorer la motivation des étudiants dans l'apprentissage peut justifier la nature des investissements qui sont demandés? Parce que si on décide de passer au numérique, ça coûte cher. Mm-hmm. Alors, il faut quand même peut-être avoir une valeur additionnelle. Donc, oui, ça augmente la motivation, mais est-ce qu'on peut apprendre mieux? Est-ce qu'on va avoir des meilleurs élèves? Est-ce qu'on va avoir des meilleurs ouvriers, éventuellement des meilleurs travailleurs? Donc, il y a quand même d'autres questions aussi qui doivent dépasser les analyses qui sont faites en matière de motivation. Alors, on a l'impression qu'on n'a pas encore vraiment réussi à bien mesurer la façon dont tirer profit de l'usage numérique dans la classe, mais on sait que les élèves, les parents les utilisent et que pour eux, au bout du compte, ça devient une approche, je paraissais, erreur qui est faite de manière indépendante, finalement, du système scolaire, qui est faite en parallèle du système. Et donc, ça crée aussi un autre mode d'apprentissage pour ces jeunes-là qui est pas nécessairement réalisé dans le contexte scolaire et donc qui vient pas nécessairement bénéficier ou être bénéficié par le contexte scolaire aussi. Donc, il y a ces éléments-là, évidemment, à garder en tête, là. À travers ça, il y a une notion aussi, si on regarde des tendances lourdes qui ressortent, il y a la notion de l'enseignement qui, de plus en plus à travers ce type d'outils-là, devient peut-être un peu plus individualisé, si on peut dire. on peut le faire à notre vitesse, on peut le faire à notre façon avec les outils technologiques. Il y a des tutoriels, on peut apprendre tout seul. Alors, ça devient quelque chose qui peut être intéressant, mais en même temps, on perd l'intérêt aussi de l'apprentissage de groupe, donc c'est pas nécessairement la voie. Et de toute façon, selon l'analyse, on voit, oui, qu'il y a des logiciels qui fonctionnent, que ce soit en mathématiques, en sciences, en langue, mais qu'au Québec, on ne les utilise pas de manière quand même si importante que ça. Donc, il y a beaucoup d'arrimage à faire, parce que encore là aussi, comment on l'intègre? Est-ce que c'est pour aider à apprendre des matières ou c'est pour les apprendre à utiliser ces outils-là? Oui, puis à la limite, même si on pousse un peu aussi, il y a l'idée que peut-être que l'apprentissage qui se fait de manière autonome et pas nécessairement aussi en profondeur que s'il se faisait de la même façon, mais dans le contexte du système scolaire. Et parallèlement, les outils numériques sont utilisés peut-être plus en apprentissage individuel. Les classiques ateliers d'informatique où tous les étudiants sont en avant de leur écran travaillent avec un logiciel plutôt que dans un contexte d'un apprentissage collaboratif, dans la mesure où l'informatique, oui, peut permettre d'individualiser, mais peut permettre aussi de rassembler, voire même dans le cas de certains projets, on pense à l'école éloignée en réseau, de réunir aussi des classes. Dans le contexte de ce projet-là, l'idée, c'est qu'on a des classes en milieu éloigné. Au début de l'émission, on parlait de Fermont, de la Côte-Nord. Mm-hmm. Ça, c'est des bons exemples. Souvent, dans des petites localités, on peut penser aussi à Petite-Vallée, Grande-Vallée, en Gaspésie, on évolue avec pas mal les mêmes personnes. Au fur et à mesure des années du primaire, les classes varient pas beaucoup. On a peut-être un potentiel de 30 étudiants. C'est avec eux qu'on va collaborer toute la vie, oui. Et dans le fond, évidemment, l'enseignement vient aussi par la collaboration, par l'échange. Mais si on échange toujours avec les mêmes gens, à la longue, ça devient un peu prévisible. Alors, l'idée du projet, c'est qu'on prend une classe, exemple, sur la Côte-Nord, qu'on la mixe avec une classe, mettons, dans le coin du Saguenay ou en Gaspésie, et qu'ils vont faire un projet commun ensemble, par le biais d'expériences de téléprésence, par des échanges courriels, par des forums sur le web, pour monter une présentation conjointe où les élèves vont être amenés en petits groupes à collaborer avec d'autres petits groupes de l'autre classe, où les professeurs vont être amenés aussi à collaborer avec d'autres professeurs. Donc l'apprentissage se fait pas non plus seulement pour les élèves, mais se fait aussi pour les enseignants, pour les apprenants. Donc ça devient un exemple assez stimulant où les technologies peuvent changer un peu la manière dont on enseigne, puis intervenir sur des problèmes aussi qui, disons, peuvent jaillir dans certains contextes aussi d'apprentissage. Alors oui, il y a donc des projets comme ça. Oui, il y a des projets aussi comme les tableaux numériques interactifs et autres. Et encore là, la question, c'est de voir est-ce que c'est des investissements qui sont pertinents? Est-ce que c'est un réseau qui devrait être étendu? Est-ce que ça répond à des problèmes spécifiques ou des problèmes généraux? Donc, encore là, ça amène un lot de réflexion aussi, là. Mm-hmm. Est-ce que, en fait, l'infrastructure de notre scolarité est prête même à avoir cette... j'allais dire envahissement, mais avoir cet apport-là, ou que ça fasse partie, en fait, du corpus scolaire? Oui, mais en fait, c'est l'autre grande question, parce qu'on revient un peu à la notion budgétaire, et ça ressort à différents endroits, d'ailleurs, dans le rapport, la question des infrastructures, autant dans la revue de littérature, où on se rend compte que c'est, disons, une question qui est soulevée de manière assez régulière. Donc, l'idée d'avoir les bons logiciels, d'avoir la bonne connectivité, d'avoir les bons appareils informatiques, ça ressort aussi... une certaine uniformité aussi. Une certaine uniformité. Évidemment, dans un contexte où aussi les élèves, de plus en plus, à certains niveaux, ont leurs appareils ou ont des appareils, mais encore là, c'est pas tous les élèves qui ont des appareils non plus. Alors, si on fonctionne sur un principe de « bring your own device », on crée une iniquité. Si on impose, on crée aussi un potentiel d'iniquité parce que tous n'ont pas les mêmes moyens. Donc, il y a quand même des bons défis un peu face à tout ça. Et il y a le défi aussi de l'Internet en classe. Dans le fond, si on donne accès à l'Internet, mais il faut accepter aussi qu'en même temps, on risque d'avoir aussi une perte d'attention. Donc, puisque les élèves sont pas habitués, est-ce que ça change le rythme de classe, le mode d'enseignement, l'attention qu'on va aller chercher? Donc, il y a quand même des grandes questions, si on peut dire, autour de tout ça. Et de voir de quelle manière on peut réussir à s'en tirer dans la mesure où, disons, l'enseignement au 21e siècle puis l'enseignement au 20e siècle, ça risque de devenir de plus en plus deux réalités assez distinctes. Le lieu de travail de l'enseignant change avec le numérique. Finalement, sa classe est ouverte. Il peut y faire usage de ressources numériques libres ou achetées. Mais aussi, dans ce contexte-là, les étudiants ont aussi accès à ces appareils-là, peuvent choisir d'aller chercher eux-mêmes certains éléments d'information, ont une relation différente avec les technologies que celles que les générations précédentes avaient. Donc, ça amène quand même quelque chose d'assez particulier et dans un contexte où parfois aussi, ça sort un peu du rapport, mais où les professeurs parfois ont des compétences numériques qui sont pas nécessairement les mêmes que les étudiants, où ils peuvent avoir un décalage, pas parce que nécessairement l'étudiant est plus compétent que l'enseignant, parfois ça peut être le cas, mais aussi parce que la culture et la relation avec l'appareil n'est pas la même. Au départ, c'est même culturel, parfois plus que logiciel, si on peut dire le schisme. Oui, ben même plusieurs parlent d'un analphabétisme numérique, voilà. Donc, il y a des gens qui de 60 ans qui sont hyper compétents dans tous les domaines, mais oups, ils ont de la misère à ouvrir un courriel. Voilà. Mais et tout ça aussi dans un contexte où il y a une pléiade et à tous les niveaux d'enseignement de ce qu'on appelle des MOOC, des cours massifs en ligne qui sont disponibles aussi sur une variété de sujets. Donc, ce qui fait que toi ou moi et des plus jeunes et des plus vieux, on peut s'inscrire à des cours à peu près toutes les universités dans le monde ou toutes les universités réputées à tout le moins, suivre une session de cours qui sera pas nécessairement créditée mais sur laquelle on va quand même avoir des textes à rendre, des travaux à faire, des choses comme ça, avoir un vrai cours. Et donc, subitement aussi, ça ouvre un potentiel pour diversifier aussi les programmes qui sont offerts dans les classes. Donc oui, on n'a pas nécessairement accès à des spécialistes, exemple en développement durable, mais on sait qu'il y a un MOOC de tel niveau qui est offert, mais on peut offrir aux étudiants aussi la possibilité de le suivre, on peut l'intégrer dans les classes. Il y a aussi ce jeu-là qui est à considérer. Alors, beaucoup de réflexions face donc aux infrastructures disponibles, face aux ressources didactiques numériques disponibles, face à l'usage qu'on veut en faire, face aux retombées qu'on souhaite avoir et face aux capacités d'usage aussi des jeunes. Donc, quel système d'éducation mettre en place pour l'avenir? Comment le mettre en place? J'imagine qu'on va faire plusieurs essais et erreurs, nous autres aussi. Oui, et ce qu'ils disent dans le rapport, c'est que c'est beaucoup comme ça aujourd'hui, dans la mesure où ça dépend beaucoup d'initiatives aussi individuelles. Donc, c'est les profs qui fonctionnent beaucoup par essais et erreurs dans leur classe aussi. Et peut-être que, justement, ça serait plus riche d'avoir une stratégie globale qui fasse des essais-erreurs et ensuite qui les propose, plutôt que les laboratoires se fassent implicitement dans certaines classes, ou inversement, ben, de permettre aussi aux initiatives et aux laboratoires qui se font dans les classes de bénéficier à l'ensemble des classes du système. Il y a déjà aussi des réseaux qui sont en place là-dessus, des réseaux d'enseignants qui partagent justement leurs bons coûts numériques pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Et ça aussi, c'est important, parce que chaque classe fait des expériences, et ces expériences-là, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent même très bien. De quelle manière on peut maintenant les répéter dans d'autres classes? Donc, en fait, il faut créer un dialogue, déjà, en partant. Voilà. Raymond Poirier, merci. Ça fait plaisir.